je suis venu m'attirer la foudre. Je suis venu rendre fou toute la foule. Je suis venu illustrer un tas d'images macabres. Il y a un peu de vrai, un peu de second degré. Est-ce que tu te captes ma caille? Ok, je suis venu m'attirer la foudre de tout le monde. Des phases qui vont vous perturber tellement c'est immonde. J'arrive avec une femme en lèche, j'ai ni pute ni soumise. Ouais vas-y, fais la belle si tu veux ta friandise. Puis je me ramène dans un séminaire de racistes. Avec sur mon t-shirt l'étoile de David. Ensuite j'écrase des poussins dans un commissariat. Ouais c'est à vos gamins qu'on fera ce massacre là. Bouger la tête comme des pigeons, je suis un provocateur. Certains beaux orateurs, ouais je veux le bonheur. Non j'ai pas le décodeur, la vie c'est de la merde. Ça je le dis dans mes petits sons, j'ai un hippie, j'ai les soldats, un soldat, j'ai les hippies, la polémie pour les gros tales, crache dans ton biggie. Va dire au prêtre ouais que je blasphème. Je vise les pédophiles qui repèrent leurs victimes pendant les baptêmes. J'ai venu attirer la foudre. Ouais j'ai plein de temps à perdre. J'ai venu chercher la merde. Que ça se pousse dans ta tête. Wesh il est fou ce mec. Mais au fond ce que vous pensez, ouais je m'en fous. J'entends jacter, ça lance le débat. Dès que le son arrive, je me maquillerai en Renoir pour violer une raciste. Comme ça ça lui laissera des gros trop. Peut-être qu'après nos ébats, elle changera d'avis. Non, même en freestyle, on a trop de talent mon gars. Y'a de Waver l'ancien cochon avec son triple menton. J'aurais fait du saucisson, yo. Et si je le graille, j'aurais du flamand en moi. J'suis fâché mais pas fasciste, j'suis rasé mais pas raciste. J'suis casé, non j'paratine, fais pas chier, j'veux vivre ma vie. Prétends pas être dans la religion si tu fais des crasses. Y'en a qui se reconnaîtront, ouais dans ce que j'déclare. Regardez-moi, ces contrôleurs de la cible, j'les fous à poil. Dans leur cul, j'fous leur machine, j'tire sur la. Je fous le bordel sur toute la ligne, partout je veux gras. Ouais, vaut mieux pas que t'imagines. J'mets une balayette, un gros flic en roller. Je le prends par les yep et je le jette d'une grande hauteur. Ouais, j'suis grave vénère contre une partie de ces losers. Expérience de merde avec des faux accusateurs. J'ai la haine, un peu beaucoup, passionnément. Ouais, c'est la même tous les jours, non pas vraiment. Parfois j'suis bien, parfois ouais, c'est pas as. Demande aux zinc, on est en décalage. Regarde mon teint, ouais, il est grave macabre. Il refait bien. Oui mon état mental, ne crois pas la télécoup, c'est que du pipo. Ne crois pas le fêlé, le filou et fellow.